Anne Désiré, Boukéenéza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI est appelée à veiller à ce que les biens publics comme les véhicules et le carburant ne soient pas utilisés au cours de la période électorale. Inquiétude soulevée par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom, c'était ce vendredi au cours d'une rencontre entre la CENI et ses partenaires électoraux. La Fédération nationale des syndicats des enseignants du Burundi, FENASEB, s'insurge contre ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement, FLE, soulevant notamment la suspension de l'octroi des crédits aux affiliés il y a 2 ans. Vous entendrez ce qu'en dit la Confédération Kosesona. Et puis, vous suivrez le reportage de Kayanza. Les prix de certaines denrées alimentaires au marché de Kayanza ont baissé ces 2 dernières semaines, même si pour d'autres produits, les prix restent élevés. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La Fédération nationale des syndicats des enseignants du Burundi, FENASEB, s'insurge contre la mauvaise gestion de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement, FLE, quitte à suspendre l'octroi des crédits aux affiliés il y a 2 ans, alors que le prélèvement mensuel des cotisations opéré par la fonction publique se poursuit. Le président de la FENASEB, qui le dit, explique que même ces cotisations mensuelles ont été revues à la hausse de 6 000 francs burundais à 12 000 francs burundais, tout en indiquant que la fondation pour le logement des personnels de l'enseignement est aujourd'hui sous le contrôle de la Confédération Kosesona. Suivez plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. Au début de l'année 2017, il est né la coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, Kosesona. Sans tarder, les ténors de la Kosesona sont devenus les maîtres de la FLE. Des irrégularités ont commencé alors à se manifester dans la gestion de cette institution. La manipulation des textes qui la réglementent, avec l'implication directe de la ministre de l'Éducation de l'époque, a permis aux responsables de la Kosesona d'usurper la gestion de la FLE après avoir écarté le gouvernement du conseil d'administration, devenu aujourd'hui le conseil de fondation. Pourtant, le gouvernement a été un acteur important dans le démarrage de la FLE avec sa contribution annuelle de 200 millions. La totalité des appuis accordés par le gouvernement s'élève aujourd'hui à près de 3 milliards. La mainmise de la concession sur la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement a eu comme conséquence la discrimination dans l'accès au crédit et aux autres avantages, la discrimination dirigée vers tout membre de la FLE qui n'adhère pas à la Kosesona. Les lamentations liées à cette situation ont été exacerbées par la hausse unilatérale de la cotisation mensuelle qui est passée de 6 000 à 12 000 francs. Il convient de noter qu'il existe des crédits qui ont été octroyés aux particuliers qui ne sont pas affiliés à la FLE, tel que cela a été mis en évidence par l'inspection générale de l'État. De ce qui précède, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande au gouvernement la suspension du conseil de fondation actuel qui a failli à sa mission de gérer efficacement la FLE. L'urgence s'impose de mettre en place un organe autonome qui aurait pour mission d'arrêter les stratégies de remettre en marche cette institution paralysée. La suspension provisoire des cotisations en attendant la remise en marche de l'institution. Mais le paiement des crédits serait maintenu. La suspension du processus qui mène vers la création de la FLE microfinance parce qu'elle est contestée par les membres de la FLE. C'était Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats des enseignants du Burundi, FENASEB. Au niveau de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, Kosesona, le vice-président de la coalition, Emmanuel Machandari, affirme que la gestion de ce fonds est bien organisée, mais que de plus amples précisions sont à demander au gestionnaire direct qui est le responsable. Et parlons politique à présent. Je vous l'avais dit dans les titres, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLECOM, demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter que des formations politiques utilisent les biens publics comme les véhicules et carburants pendant la période électorale. Lors de la rencontre avec les partenaires électoraux tenus par la CENI ce vendredi, Gabriel Ofieri, président de l'OLECOM, a également plaidé à ce que le carburant ne soit pas distribué par favoritisme au cours de cette période. Pour Prosper Nagwamiye, président de la CENI, la loi interdit l'usage des biens publics pendant la période, mais que ce qui reste difficile est sa mise en œuvre. Jérôme Hakizimane. Parmi les partenaires électoraux, la société civile n'est pas épargnée. Lors d'une séance de questions et interventions au cours de cette rencontre, se référant au passé, Gabriel Ruffili, patron de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLECOM en sigle, a demandé à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de prendre toutes les précautions possibles dans le but de prévenir que certaines déformations politiques lors des échéances électorales ne s'arroge pas le droit d'utiliser les biens publics, notamment le véhicule, le carburant et autres. Me basant sur l'article 69 de la Constitution, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour prévenir que les biens publics, que ce soit le carburant ou les véhicules, ne soient pas utilisés pour d'autres fins lors des élections? Il y a des gens qui continuent à utiliser les véhicules de l'État, même étant dans la campagne électorale. Normalement, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ceux qui vont participer aux élections devraient être traités de la même manière. Au moment où le Burundi se heurte pendant plus de 2 ans à un problème lié au carburant, poursuit-il, Ruffieri a également voulu savoir comment CENI prévoit aider dans la distribution du carburant aux candidats en lice, sans qu'il y ait du népotisme. Répondant à toutes ces questions, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle que la loi interdisant l'usage des biens publics lors des échéances électorales existe, dont, selon lui, il n'y aura pas de problème. Et au récalcitrant, il souligne que les institutions juridiques resteront à l'œuvre en cette période électorale. Toutefois, il ajoute que contrôler de telles choses est un travail de longue haleine. Les institutions publiques continuent leur travail. Souviens-toi de ce que je te dis souvent, mais entre le bois et l'écorce, il ne faut pas y mettre du doigt. Tu auras toujours du mal à contrôler certaines choses. Malgré tout, courage. Pendant les élections, la justice poursuit son travail. Le code électoral stipule également des infractions électorales. La loi est claire là-dessus, contre notamment les auteurs des discours de dénigrement, usage des biens publics sans autorisation. Nous allons collaborer avec l'institution des forces de l'ordre, de la justice, et j'espère que tout ira bien. Finalement, les Burundais sont des experts en matière de textes juridiques. À propos du carburant, je ne saurais pas y revenir car ça incombe à la responsabilité du pays. C'est au moment où il ne reste que moins de 4 mois pour que les élections des conseils communaux et législatives puissent avoir lieu. Isanganiro, la radio de l'avenir. Commerce à présent, les prix de certaines denrées alimentaires au marché de Kayanza ont baissé ces 2 dernières semaines. L'exemple est celui de la pomme de terre, dont le prix de ce produit a baissé d'un prix variant entre 1 000 et 1 500 francs burundais selon la variété. Alors que pour d'autres produits, notamment le riz et le haricot, les prix restent élevés. Adeline Niosaba, directeur du bureau provincial en charge de la agriculture et de l'élevage à Kayanza, appelle les agriculteurs à ne pas écouler toute la production au marché. Patrick Nsengiumva. Lors de notre passage au marché d'Okayanza, nous avons constaté que les prix de certaines denrées alimentaires ont baissé. Là, on peut citer par exemple la pomme de terre où le prix de ce produit a sensiblement baissé selon la variété. Un kilogramme de la pomme de terre dite mauvaise par exemple s'achète à 1500 francs le kilo aujourd'hui. Au moment où ces derniers jours, il s'achetait à 3000 francs. Le prix d'un kilogramme de la pomme de terre appelée communément Kijumbu a passé de 2000 à 1300 et celui appelé Victoria et Mawondo a passé de 3 200 francs à 2 000. La situation se présente ainsi au marché d'Okayanza au moment où même le prix des oignons a baissé, allant de 2 500 francs à 2 000 francs le kilo. Même le prix de certaines légumes a baissé, et là on peut donner l'exemple d'un prix d'un chou qui a passé de 2 000 à 1 000 francs. Les vendeurs des denrées alimentaires au marché d'Okayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir que le prix de la pomme de terre a baissé parce que c'est la période de la récolte de ce produit dans des communes Murte et Kabarole de la province Kayanza, ce qui leur permet de s'en approvisionner à de bons prix. Bien que les prix de beaucoup des produits vivriers restaient encore élevés au marché d'Okayanza, les acheteurs à ce marché disent se réjouir qu'il y a des produits dont le prix tend à baisser. Contactés à ce sujet, les commerçants exerçant leurs activités commerciales au marché d'Okayanza, ils nous ont fait savoir que les denrées alimentaires dont les prix sont élevés, la cause est année que le transport leur coûte énormément cher à cause de la pénurie du carburant. Et ces commerçants, de même que les acheteurs, tous demandaient au gouvernement burundais de rendre disponible le carburant afin de permettre la baisse des prix sur tous ceux des produits alimentaires. Adalan Nyonsaba, directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement agriculture et l'élevage à Kayanza, appelle les agriculteurs à ne pas écouler toute la production au marché afin de ne pas se laisser attaquer par la famine dans leur ménage les jours à venir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Certains habitants de la mairie de Bujumbura disent avoir mal accueilli la mesure interdisant l'importation du carburant par des voies non reconnues en provenance de la République démocratique du Congo, passant par Nyamitanga en commune et Buganda de la province Cibitoke. Ceux qui se sont exprimés sur les micros de la radio Isanganiro demandent au gouvernement de trouver solution à la pénurie de carburant pour que le déplacement soit normal comme auparavant. Ça se voit que les choses sont devenues compliquées. Les véhicules qui consomment l'essence sont très peu. Au moment de se déplacer, ça devient grave. Aujourd'hui, un bidon de 20 litres qui jadis s'achetait à 200 000 francs s'achète actuellement à 500 000. Concernant l'interdiction du carburant pour le marché parallèle, nous l'avons mal accueilli parce qu'il contribuait énormément au développement du pays ainsi qu'au travail public. Dernièrement, j'ai pris un taxi à destination de l'avenue du Large et j'ai payé 50 000. Le déplacement nous coûte vraiment cher. Il faut que l'État fasse tout son possible pour que la situation devienne normale. Prendre l'initiative de se déplacer à pied, on arrive à destination étant épuisé. Si une fois les autorités arrivent à interdire même le peu d'essence qui nous parvenait, la situation risque de s'empiler. Se déplacer est devenu difficile, de façon qu'on peut arriver au boulot à 10h alors qu'on était censé y arriver à 7h30. La mesure que l'État a prise aurait été louable si bien sûr on avait des carburants en permanence. Mais nous n'en avons pas. En cas d'urgence, on se rendait à Nyamitanga pour s'en approvisionner, mais il n'y en a pas, la situation devient compliquée. Nous demandons à l'État de trouver la solution pour que les stations-service soient servies. Nous l'avons mal accueilli. Ce carburant du marché parallèle aidait énormément au développement du pays. Je trouve que l'État peut donner accès à ce carburant si bien sûr nous l'avons. Je trouve que l'État peut donner accès à ce carburant si bien sûr nous l'avons. Il faut que cette mesure soit revue pour que ce carburant vienne combler le vide qui s'observe au pays. Pour boucler cette édition, parlons sport. 25 clubs, dont 16 masculins et 9 féminins, vont participer dans le championnat de Ligue intérieure de volleyball édition 2025 qui sera organisé dans 3 provinces du pays, à savoir Bururi, Kayanza et Gitega. Lors du lancement officiel de ce championnat ce samedi, David Wigiriman, secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball, a indiqué que ce championnat contribue dans la promotion du volleyball à l'intérieur du pays, Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ça fait à peu près 4 mois qu'on a déjà lancé les activités de cette année 2024-2025. C'était le 6 octobre 2024. Là, on a commencé par un tournoi pour justement démarrer les activités. Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est la Ligue intérieure qui commence ce championnat. Ça se fait sur 3 sites, le site de Kayanza, site de Gitega et site d'Obrouche. Et en tout, nous avons 9 équipes féminines, c'est la première fois, et 16 équipes masculines. Donc, au niveau de la fédération, on est satisfait de l'effectif des clubs, sensiblement augmenté, et nous pensons que cet élan va continuer. Et quelle est la valeur ajoutée de ce championnat intérieur? La valeur ajoutée, c'est que, de 1, il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut garder la jeunesse sur terrain. Et puis également, surtout les filles. Parce que dans notre temps, il y avait très peu de filles qui jouaient au volley. Mais maintenant, on commence à voir que les filles commencent à jouer au volley. Et vraiment, nous sommes satisfaits. Puis la valeur ajoutée, c'est que même l'autorité locale commence à s'impliquer, ce qui est aussi une évidence. Et que aussi la fédération a sensiblement appuyé les clubs qui ont participé. En fait, il y a des défis qui s'observent au sein de l'organisation de la Ligue intérieure. Bon, il n'y a pas de défi particulier. Bon, on aimerait que toutes les provinces soient représentées. Il reste encore 3-4 provinces qui ne sont pas représentées au niveau du championnat national. Et c'est le défi majeur. Vraiment, on aimerait que toutes les provinces soient représentées et des associations provinciales dynamiques, parce que qui dit dynamique dit organiser des championnats. Mais également, c'est que de temps en temps, on trouve très peu de clubs au niveau des provinces. Là, on aimerait qu'au moins chaque commune ait une équipe qui pourrait participer dans ce championnat au niveau provincial et puis après au niveau national. Et quel appel pouvez-vous lancer aux équipes qui ont pu participer dans cette compétition? Alors, double d'efforts dans les entraînements, la préparation de leur club. Et là, c'est au niveau même des responsables des équipes, mais également de sensibiliser la jeunesse pour qu'il puisse y avoir chaque fois une relève. Chaque année, il y a des départs, mais aussi il faut qu'il y ait des arrivées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Grâce présidentielle, de la présidence à la prison, titre en une le journal Iwachu. Et c'est pour évoquer les trois personnalités de la présidence de la République qui ont été destituées et incriminées. Aujourd'hui, locataires de la prison d'Omimba. Selon le décret présidentiel du 9 janvier, ils ont été destitués de leurs fonctions pour cause de trahison, en libérant certains criminels qui ne figuraient pas sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la clémence présidentielle, en ternissant l'image de la plus haute autorité que sur son instruction. Dans une interview accordée à cet hebdomadaire, le président de l'association de lutte contre le chômage et la torture, Vianney Ndayisaba, recommande qu'il y ait une commission indépendante qui effectuera une nouvelle descente dans les prisons pour identifier les prisonniers libérés illégalement et ceux qui y sont restés injustement. Un médecin pneumopédiatre fait le point sur des cas de grippe inhabituels observés ces derniers jours, rapporte l'agence burundaise de presse. Il s'observe des cas de bronchite se présentant sous forme d'une grippe inédite à Bujumbura en ce mois de janvier 2025. Docteur François Ndikumwenayo, médecin pneumopédiatre à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge, explique dans les colonnes de l'ABP que la bronchite est une maladie périodique dont les virus changent de propriété selon le temps. Au début des périodes pluvieuses, ces virus circulent dans l'air et diminuent progressivement au fur du temps. Selon lui, les symptômes de la bronchite aiguë sont notamment la toux sèche, apparition des glaires, d'abord limpides ou blanchâtres, et en cas de surinfection bactérienne, les sécrétions deviennent jaunâtres et purulentes. Une bronchite aiguë s'accompagne souvent de fièvre, maux de gorge, maux de tête, courbatures, rhumes, sinusites. À la question de savoir quel type de bronchite se manifeste actuellement dans notre pays, Ndikoumouenayo a indiqué toujours dans les colonnes de ce quotidien qu'il nécessite un prélèvement du sang au laboratoire pour identifier les types de virus qui circulent dans notre pays. Il affirme que cette maladie est transitoire et peut même guérir sans traitement d'une période d'au moins 1 ou 3 semaines. Il a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à la population de ne pas faire l'automédication, mais plutôt de se confier aux structures sanitaires pour subir un traitement adéquat. Revue de la presse. Sanctions disciplinaires commuées en travaux de propriété, constate la voix de l'enseignant. Le règlement scolaire étant le même pour toutes les écoles du pays, une ordonnance indique les points à retrancher en éducation à chaque faute commise. Mais pour éviter que les élèves fautifs n'aient l'échec en éducation, l'encadreur préfère faire aux élèves fautifs des travaux de propreté. Mais malheureusement, cela pendant les heures de cours, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats de l'élève qui est souvent en retard. Il ne prend pas note et est privé des explications d'une nouvelle leçon. Au lycée du Saint-Esprit, révèle ce journal, le recteur a opté pour le renvoi des élèves retardataires depuis ce second trimestre 2024-2025. Comme le règlement scolaire en vigueur est harmonisé pour les écoles tant publiques que privées à programme burundais, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions est prié de sommer les chargés de la discipline de s'en tenir à la loi pour décourager les élèves fautifs. Il faut que ces responsables n'aient pas peur de retrancher chaque fois les points en éducation aux élèves fautifs afin de les contraindre à adopter un comportement irréprochable, lance cet hebdomadaire de l'éducation. Enfin, le banditisme augmente d'un cran dans la capitale politique du pays, alerte Net Presse. Ce journal rapporte qu'une imprimerie dénommée Ingoma, située dans le quartier Chataigna de la ville de Gitega, la capitale politique du pays, a été dévalisée par des voleurs de renom. Des machines, des appareils photo et un montant de 5 485 000 francs burundais ont été volés par des bandits qui n'ont pas été arrêtés sur place, mais des populations locales qui ont entendu des bruits ont vite alerté le comité mixte de sécurité qui est parvenu à tout récupérer, précise son confrère, qui ajoute que les autorités tant administratives que policières de la commune de Gitega demandent aux populations d'organiser des rondes afin de lutter contre le banditisme qui prend une allure inquiétante. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.